Bienvenue en Absurdistan, où règne la haine du vivant. On sème les graines du ciment, donc comprends que je sois distant. Comme des bébés, ça veut téter à tous les nichons. Et la télé, ça rend fêlé, ça crée des pigeons. Veux pas revenir à la case départ, ni passer par la case prison. Tant de bêtises, je me tape des barres. On sent la marque des esprits sombres dans cette prison dorée. Y'a que des gens paumés, on ne s'attache qu'à la plastique de sa poupée siliconée. Les bourreaux sont adorés, comme si on collaborait. Psy hop et la c'est pas encore goré, ni la Corée du Nord. 2022, gardien de la paix est devenu force de l'ordre. C'est sauf qui peut, personne n'agit, mais c'est la faute de l'autre. Accroche-toi, je t'emmène en Absurdistan. Vos lois, je les emmerde. Stop l'asservissement. Ce monde nous entraîne vers l'abrutissement. C'est ce n'est pas que mon avis, mais la connerie devient une épidémie. Comprends qu'on déprime à voir des gens de plus en plus débiles. Ces gens méchants, insouciants, que la folie débride. Et j'ai mis sens en quête de sens, c'est la folie des villes. Que d'aphorismes, on se heurte à des pots qui vident. Entre collets, meux et faux hybrides, je rêve d'une vie de poème. Je suis rempli de colère, un fusil de poète. Je viens taper la causette, anti-système. J'ai pas fini ma crise d'adolescence. Les gens s'y plaisent, moi ça me pèse depuis la naissance. Je suis horrifié, tout zombifié par un écran tactile. On se croirait en plein remake, que d'idiocratie. Accroche-toi, je t'emmène en Absurdistan. Faut que j'en place une pour les mamans louves qui se battent pour pas que les enfants souffrent. Faut que j'en place une pour la SDAC, pour le café des libertés. Tous unis derrière Merlin Lonquet. Pour tous les libres penseurs, pour mes frères d'âme. Quand vous voulez, on lance le spectacle. Résistant jusqu'à la muerte.